Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mac Québec. Je suis en présence de mes deux collaborateurs et bientôt notre chroniqueur Vincent viendra nous rejoindre. Aujourd'hui, une émission quand même pas mal chargée. On a beaucoup de choses à vous parler et je vais commencer tout de suite par vous présenter mes associés dans ce podcast. Donc, on commence à ma gauche, droite, là, la nouvelle droite, à Bernard Ouellet. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, Bernard. Passez une bonne semaine. Oui, malgré que j'avais commencé un début de grippe, je n'étais pas sûr d'être là ce soir, mais j'ai pris le temps de me reposer. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit filet de voix qui est peut-être un peu manquant des fois, mais je pense qu'on va être capable de faire les deux shows. Ce soir, en fait, Bernard sera l'homme des effets spéciaux, parce que si vous remarquez, en fait, il a commencé à jouer, mets donc ta main dans le coin. Non, l'autre coin. Oui, ouais, voilà. Donc, on voit qu'il s'est mis une petite pomme. Voilà, on va lui demander le truc et puis il va pouvoir nous faire ça. Et tout juste en bas de moi, on va lui demander de se nommer parce que pour l'instant, son nom, c'est Mac Québec. Hey, hey! Ça va bien? Oui, toi? Oui, Jean-François Roy. Mon nom est Jean-François. Donc, voilà, on est bien content d'être avec vous ce soir, surtout que j'ai failli ne pas être là. J'avais des trucs familiaux... à faire. J'ai détruit la chambre de ma fille et puis j'ai pu être là. T'as fait ton shining là, puis t'as marché dans la porte à la let me in un peu de n'importe quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, écoutez, vous écoutez le podcast Mac Québec, qui est votre show bi mensuel ou double hebdomadaire. Bimensuel. Ouais. Donc, à propos des nouvelles sur le monde Apple, iOS, tout ce qui entoure la belle pomme qu'on voit dans l'écran de Bernard. Et tout de suite après, en fait, si vous restez avec nous, ben, il va y avoir les amateurs de Mac Bonsoir, qui est le nouveau show, en fait, cette année du site Mac Québec et qui est un show de questions-réponses. Donc, vous posez des questions, on offre les réponses, on passe une bonne soirée ensemble et vous pouvez même vous mériter des applications, que ce soit des applications Mac et des applications iOS. Ce soir, je pense même qu'on a quand même quelque chose d'assez intéressant, là. Je pense qu'on a du Clean My Mac à donner. Aussi Cleaner. Vincent va nous dire ça tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je me souviens plus c'est lesquels, là. Voilà. On vous rappelle qu'on est, encore, évidemment, au mois d'avril, qui a commencé sur les chapeaux de roue avec des poissons d'avril assez intéressants. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Oui. Mais en attendant, il y a un concours sur le site de Mac Québec. Ce concours-là, on vous donne l'adresse directement dans la fenêtre Spreecast et on va vous donner l'adresse, évidemment, par la voix. Je vais laisser la douce voix de Bernard nous donner l'adresse pour le concours Smart Cover. Alors, l'adresse pour nous rejoindre par email, c'est podcast@macquebec.com. Effectivement, mais l'adresse qu'il y a juste en haut pour aller répondre au questionnaire. Alors, c'est macquebec.com. Je suis tellement habitué de l'ancien podcast là, que j'avais oublié de regarder mon écran. Alors, c'est http. Alors, c'est macquebec.com/concours-smart-cover. Donc, macquebec.com/concours-smart-cover. J'avais oublié qu'il y avait un formulaire à remplir. Oui, ben en fait, on a besoin de 5 bonnes réponses. Et ce sont en fait 5 photos qu'on vous présente de Apple Store qui sont situées à travers le monde. On n'a évidemment pas pris les plus nébuleux. Ils sont reconnaissables assez facilement, sauf pour le numéro 2 peut-être qui donne un petit peu plus de fil à retordre aux participants. Il y en a quelques-uns qui auraient intérêt à revérifier leur réponse d'ailleurs à propos de ça. Est-ce que les personnes peuvent se réinscrire plusieurs fois s'ils ne pensent pas l'avoir eu ou une seule réponse par personne? Bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, on va prendre les gens qui ont participé, on va les rentrer dans un grand logiciel et en fait, c'est Félix qui va faire le concours, qui va tirer Puis il va donner le smart cover à un puny human, comme il le dirait si bien. Donc, c'est bon. On vous dit aussi qu'on va mettre un logo sur la page de Mac Québec d'ici demain ou en fin de semaine, parce qu'on n'a pas encore de logo qui redirige vers cette page-là. Fait qu'on va mettre une petite banderole à la page principale de macquebec.com pour aller sur le concours si le monde nous écoute en différé sur le site de Spreecast ou sur iTunes. Puis si vous voulez, en fait, nous donner un petit coup de main, puis nous montrer votre appréciation pour les concours qu'on fait pour vous, il y a toujours moyen d'aller donner une excellente note à l'application MQ Mobile sur iTunes, sur le magasin iTunes pour les applications, dans laquelle, en ce moment, il est très possible que les gens n'entendent pas l'épisode actuellement. C'est Vincent qui s'occupe de rediffuser le tout. Donc, dans MQ Mobile, je sais qu'ils vont en avoir, qu'ils vont être déçus, mais ça devrait être établi dans 10-15 minutes environ. 10-15 minutes, effectivement, on devrait avoir des nouvelles de ça. Et l'autre chose que vous pouvez faire, en fait, c'est aller nous donner un commentaire sous le podcast. Nous aider en nous donnant une excellente note ou une note qu'on mérite. La note qu'on mérite. Oui, avec des petits commentaires, ça serait très apprécié. Voilà. Maintenant, je parle beaucoup. Je vais prendre encore un petit moment. Oui, parce que c'est toi. Voilà. Et cette semaine, en fait, c'est vraiment, vraiment très, très chargé pour nous. On est allé au salon de l'Aquaps à Québec, qui nous a accueillis. En fait, on était invité par Calista là-bas, qui est une charmante compagnie qui fait des produits vraiment très intéressants. Et au cours des prochains podcasts, on va vous diffuser, parce que là, on a pris beaucoup de matériel, on a fait des entrevues, tout ça. On va vous mixer ça un peu. Probablement que vous allez avoir l'entrevue en intégrale sur le channel YouTube de Mac Québec, parce que oui, on a un channel YouTube aussi, où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce qu'on va commencer de plus en plus à mettre des petits tutoriels, des entrevues, des trucs comme ça, des trucs intéressants. Et donc, on est allé là mardi et on est retourné jeudi. D'ailleurs, je salue l'ami Pascal Audet qui m'a donné un franc coup de main mardi passé. Et aujourd'hui, ben, c'est moi puis Vincent qui sommes allés là-bas. On a rencontré des gens très intéressants, ce qui devrait débouler sur encore plus de la bonne information toute fraîche pour les futurs podcasts. Donc, le salon de la Coop, c'est un salon qui parle, en fait, qui invite les enseignants à venir voir, en fait, les nouvelles technologies, mais en matière d'enseignement. En fait. Et donc, que ce soit, Calista, dont j'ai peut-être touché un mot, là, mais brièvement, en fait, ce qu'ils font, ce sont des solutions de docking station pour mettre plusieurs appareils iPod ou plusieurs appareils iPad et qui permettent de les recharger et de les synchroniser en même temps. Donc, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, ces appareils-là sont chaînables. Et Jean-François Jourault, qui nous a invités, qui nous a reçus fabuleusement à Québec, nous disait que lui, il avait synchronisé jusqu'à 360 iPod Touch en un seul coup. Sa solution, il l'a développée pour le domaine éducationnel, mais les gens, en fait, de plus en plus, là, on utilise les iPods dans des musées, entre autres, et aller pousser du contenu, par exemple, des guides auditifs sur le truc. Dans le chat, on nous demande juste 360. En même temps, là, c'est 360 iPod connectés à une machine. On avait 11 gigs de données à transférer et ces machines s'en sont tous occupées. On a appris certaines choses au niveau de la recharge, poser des petites questions techniques au niveau de l'ampérage, entre autres, au niveau des iPads. Il nous a présenté deux logiciels. Un qui s'appelle Colibri, dont on reparlera aussi, qui est un logiciel de sous-titrage, et un autre qui est Calilang, et c'est un logiciel de gestion Et ça va t'intéresser, Bernard. C'est un logiciel de gestion de classe pour des cours de langue majoritairement. Donc, pouvoir poser des questions aux étudiants, pouvoir leur demander de répondre en audio, pouvoir parler par-dessus un texte audio qu'ils entendent, c'est vraiment une super solution. C'est sûr que dit comme ça dans un podcast, surtout si vous m'écoutez en audio, ça manque de charme un peu, mais on va avoir en fait l'entrevue pour ces produits-là qui va être diffusée sur le channel YouTube. Donc, ça vaut vraiment la peine. On est bien content d'avoir été là. Intéressant. Oui. J'ai hâte d'entendre. T'en as-tu fait beaucoup? Combien t'en as fait d'entrevues? On a interviewé Calista. On a fait une longue entrevue pour les pièces matérielles. On a fait deux autres entrevues aujourd'hui pour Colibri et Calilang. Mm-hmm. Puis, peut-être éventuellement que je vais parler d'un autre produit qu'ils sont en train de développer, mais bon, du petit scoop, mais je vais attendre un petit peu que François me donne le go, là, mais ça ressemblerait à une application pour aller mettre du contenu et retirer du contenu d'un iPhone ou d'un iPod dans des applications spécifiques sans passer nécessairement par iTunes. Donc, j'en dis pas plus, mais en fait, c'est fait pour... C'est une petite solution là, qu'ils sont en train de développer pour améliorer leur plateforme à eux. Puis, on a parlé aux gens de Druid aussi, qui étaient super sympathiques, et aux gens de iClass aussi, qui est un distributeur de différentes solutions. Où est-ce qu'on a fait un peu... On a joué un peu au Jean-Luc Mongrain une fois là-bas. J'ai parlé à du monde, puis on a, je vous en parlerai pas trop, là, on y reviendra, mais on a parlé des fameux tableaux. Les tableaux blancs, là. Les tableaux interactifs, là. En tout cas, c'est assez joyeux, le petit monde du tableau interactif en ce moment, là. Je sais pas si Bernard est au courant ou si tu as magasiné pour ça, là. Les tableaux interactifs? Oui, bien. On en a à l'université, okay. Mais je n'ai pas encore pu l'utiliser parce que ce n'est pas dans mon même secteur. Et on va sûrement les utiliser bientôt pour les applications que moi je fais. Et à ce moment-là, ben, j'ai vu beaucoup de démonstrations, des vidéos sur Internet sur qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce qu'on peut utiliser, bon, etc. Mais je n'ai pas vu encore un live là, pour ainsi dire. Là-bas, il y en avait beaucoup parce que le gouvernement est en train de pousser fort, fort. Ils ont donné en fait un 250 millions, si je ne me trompe pas, pour équiper les classes de tableaux blancs. Et en fait, je veux pas vraiment rentrer dans le sujet parce qu'on a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Si on a du temps à la fin, on y reviendra. Mais il y a de quoi dire. C'est plus au niveau polémique qu'au niveau utilisation. Là. On sait un peu à quoi ça sert, là, mais au niveau de comment l'argent est distribué, puis qui peut vendre, comment, quoi, là, on sait qu'il y a eu. En tout cas, il semble avoir eu des magouilles là-dedans, puis on s'en est fait parler un peu. C'était bien agréable. Je vous ai demandé au début si vous aviez passé une bonne semaine, mais avez-vous un coup d'ose puis un coup de dose? Bernard? Non, j'ai pas vraiment pensé à ça cette semaine. En fait, mon coup d'ose, c'est mon 6 mois de congé à traitement différé qui commence. Donc ça, c'est mon coup d'ose. je vais en profiter pour voyager un petit peu. Donc, c'est pour ça que je serai pas des prochains podcasts dans les prochaines semaines parce que je serai à l'extérieur. Tu vas aller te ressourcer. Exact. Peut-être que j'irai faire des entrevues là-bas. Sait-on jamais. Ce serait très intéressant. Tu pourrais aller peut-être, si tu passes dans le coin de Paris, là, peut-être on pourrait te mettre en contact avec Jean-François Jourault. Qu'est-ce que je voulais dire? On essaiera, si on a du temps, ou je ne sais pas si tu pars avec de l'équipement un peu, mais ouais. On essaiera de faire un petit transatlantique, un petit... si on continue pendant l'été, là, ce serait chouette... Bernard, la tour Eiffel en arrière, mais la vraie, pas celle de photo boot là. Avoir un petit podcast avec l'accent qui commencera à pointer sur le bout de la langue, Bernard. Ben, l'accent, je l'avais quand j'étais petit parce que ma mère est française. Fait que j'avais l'accent quand j'étais petit. Fait que quand je retourne en France, l'accent revient. OK. D'où la bonne diction par rapport à moi puis Jean-François. Ouais, mais là, c'est mes racines aussi de communication. Là. Mais oui, effectivement. Mais il faut dire que quand tu es en Gaspésie, ton accent français, tu le perds assez vite. Merci. Ah oui, c'est vrai. Tu te fais écœurer. C'est bon. JF, toi, tu nous disais au début de l'émission que tu avais quelque chose au niveau coup de dose? Oui, je l'ai oublié. Nice. Je l'ai pas marqué. Tu veux peut-être nous parler des sauterelles dans le... Mon coup de dose, c'est que la grève va achever bientôt. OK. Fait qu'ils vont pouvoir retourner après Pâques, d'après moi, ils vont pouvoir retourner... à leur étude, parce que le monde a commencé à envoyer des mises en demeure, ça a passé devant les cours et le monde peut commencer à réintégrer les universités, ces choses-là. Tu parles de Laurent Dalma, là? Oui, Laurent. Sa photo à côté du mot individualiste, là? Oui, c'est ça. Mais je l'ai écouté à TV, je l'ai vu dans plusieurs reportages. Très intelligent, le jeune garçon. Pour se défendre contre 7 avocats. Genre, là, oui. je l'ai trouvé bien. Puis mon coup de dose, on va passer, puis je vais essayer de m'en rappeler, puis je vais vous le dire tantôt. C'était quand même intéressant. Excellent. Pour Laurent, on sait qu'il va avoir une job assez rapidement. Si c'est pas dans le coin d'Alma, ça va être dans le coin de Montréal. Là. Oui, il va être le prochain député de la CAQ, je suis sûr. C'est ça, ils vont aller le chercher. Pour ma part, mon coup de dose irait à Pascal Audet. Je pense même que je l'ai... En fait, ça ferait peut-être même deux coups d'os qu'il y aurait, mais c'est lui qui nous a donné un coup de main mardi passé au salon de la Coops. On a communiqué avec lui, il est venu, tout ça. Et toujours aussi agréable de travailler avec. Donc, j'étais bien content de le revoir. On l'avait vu au WAC. Le stagiaire. Le stagiaire. Oui, c'est ça, c'est son nom de code, le stagiaire. Et pour ce qui est de mon coup de dose, ben il y en a deux. Il y en a un qui va au gouvernement pour justement sa gestion plus que douteuse pour octroyer les sous pour l'achat des tableaux blancs. Ce qui se passe, grosso modo, là, je vais essayer de faire ça très, très vite. Il y a une compagnie, en fait, qui a fait des propositions. Il y a un appel d'offres qui a été lancé. Et ils font l'acquisition de ces tableaux blancs-là par groupe d'achat, d'après ce que je comprends. Et donc, il y a un groupe d'achat. Il existe, en fait, deux possibilités sur la table. Une de ces possibilités-là, c'est un formulaire de 3 pages très simple, nom, numéro de téléphone, adresse, pratiquement là, à remplir. Et c'est pour obtenir un tableau blanc très, très précis, en fait, dans les spécifications. Puis il y a un manufacturier qui est à l'intérieur de ça. Et tous les autres manufacturiers de tableaux blancs, et il y en a un paquet, là, on a vu, c'est proche d'une dizaine que j'ai vu sur le salon de la Coop, c'est quand même un salon relativement modeste. Eux sont tous dans l'autre demande d'acquisition, et c'est 108 pages qu'il faut remplir pour avoir accès à un de ces tableaux-là. On m'expliquait, en fait, que le tableau de la compagnie qu'on appelle Smart, puis je pense, en fait, dans les médias, il n'y a personne qui a voulu aborder ça, mais il me semble que dans les médias, avoir entendu parler le fils d'un ministre, ou en tout cas quelqu'un qui connaît le ministre de pas trop loin, c'est à lui la compagnie de ces tableaux blancs-là. C'est une toile, c'est quelque chose qui n'est pas très solide. Dès qu'il y a une cassure dedans, la garantie de 3 ans pour quelque chose qui s'en va dans une classe, j'ai comme l'impression que c'est pas parfait. Donc, en tout cas, il y a de quoi aller creuser là-dedans. Oui, JF, tu te rappelles c'est quoi? Oui, en parlant du mot gouvernement, les conservateurs, ouais. qui ont signé l'arrêt de mort du registre des armes à feu. Oui, mais ça date un petit peu, ça. Oui, je sais, mais là, il est fini. Là. Il est vraiment ouais. fini. Là. Mais c'est-à-dire que ça a passé au Sénat. Ça a passé au Sénat, là. C'est vraiment fini. Là. Fait que c'est ça, mon coup de 12. Bande de cave. Fait que... ton coup de 12, c'est l'arrêt du registre des armes à feu. Oui, parce que moi, j'étais pour. Pour le registre? Ben oui. OK. Fait que j'étais en parce qu'ils l'ont enlevé. Oui, mais en plus, c'est qu'on a essayé, nous, de l'obtenir. Ils n'ont jamais voulu. Oui, mais là, attends un peu, le gouvernement du Québec, ils ont eu l'injonction de... C'est pas encore fini, ça va passer ça va passer, mais ils ont eu l'injonction, fait que c'est ça. Quelle saga. Oui. Mon deuxième coup de 12, en fait, il va à moi, en fait. Et c'est que j'ai fait une terrible erreur en public sur Twitter. Et j'ai dit des mauvais mots à l'endroit de mon collègue Bernard Ouellet. En fait, j'ai insinué que tous les problèmes techniques qu'on avait étaient dus à lui. Puis en fait, ça a commencé à peut-être devenir un running gag, ce que Bernard a... c'est très normal, pas du tout apprécié. Donc, en public, je tiens à m'excuser auprès de Bernard. Fait que mon deuxième coup de 12 va à moi. Et tu es tout excusé. Bon! Depuis voilà. longtemps, d'ailleurs. Excellent. Parfait. Donc, on peut continuer. Est-ce que on prend un petit 15 secondes pour voir si l'ami Vincent est là? Je sais pas si il me dit. Oui, il vient juste de rentrer. Okay. L'inviter à la conversation. Bonjour. Vincent? Oui? Oui, est-ce que tu es sur Spreecast ou on fait juste s'entendre? Je suis sur les deux en ce moment. Excellent. On je entend sais pas si vous m'entendez. OK. Sur la chatroom. On te voit pas, par contre. Non, on me voit pas parce que là... Il a pas mis ses pantalons. c'est une longue histoire. Il rentre chez eux, il se déshabille, il fait un podcast. Ouais, c'est ça. Bon, OK, fait que là, ça fonctionne. Fait qu'on va finir vite sur l'introduction du show. On voulait parler aussi du site lesmac.com, cette nouvelle plateforme auquel vous pouvez aller vous inscrire sur le site et que vous pouvez mettre en vente vos connecteurs, vos iPods première génération, iPod Touch, iPhone 4S, même si vous n'avez... Ben, il y en a un qui devrait le mettre là-dessus, son iPhone 4S, mais on nommera pas qui encore parce qu'on va y parler. Puis. C'est vrai? Ben oui. OK. Fait que c'est ça. Puis, c'est ça. Fait qu'on voulait juste mettre en lumière le site. Et ça fonctionne bien. Il y a même M. Louis Lemieux, l'animateur de RDI. La fin de semaine, RDI en direct le samedi et dimanche. Il a mis son iPad là-dessus. Il m'a contacté aujourd'hui. Monsieur me suit. Fait que ça a été ma journée a été faite quand j'ai vu le tweet rentrer. OK. Parce que oui. je l'écoute la fin de semaine, cette émission-là. Salut, bonjour, là, la fin de semaine, oublie ça. Là. Fait que moi, c'est RDI toute la fin de semaine quand je me lève le matin. Fait que quand j'ai vu son tweet rentrer, je dis bon, on va lui dire un petit bonjour. Fait que. Faites donc comme Louis et utilisez lesmac.com. Oui, exactement. C'est juste, là, est-ce que vous m'entendez dans la chatroom? Parce qu'on m'a dit rapidement, le micro était pas le bon, là, mais vous devriez m'entendre. Espérons. Je sais pas si... Non, on t'entend pas. On n'entend pas Vincent. Fait qu'il va régler son problème de micro. Oui. Fait qu'on va passer aux nouvelles, parce qu'on a beaucoup de nouvelles cette semaine. On va commencer par la nouvelle qui a sorti aujourd'hui. Est-ce que vous avez mis à jour votre macOS 10 avec la nouvelle version de Java? Je pense que c'est pas encore fait pour ma part. Tu devrais, parce qu'il y a 600 000 Mac infectés dans le monde, dont 20% au Canada, ce qui signifie 120 000 Mac infectés par le fameux virus Flashback. Wow! Le Trojan qui utilise une faille dans Java que Apple ont colmaté, c'est avant-hier ou hier? A sorti, mais sauf que si vous étiez déjà infecté et que vous faites la mise à jour, vous restez infecté. Ça n'enlève pas le Trojan de votre Mac. Alors, j'ai fouillé sur les sites web. C'était assez facile, faut dire aussi. Il y a une petite recette. Comment savoir et comment enlever le flashback si vous êtes infecté. Mais là, je vais vous le mettre dans le chat. On va le mettre dans les attends, notes. Attends. Ça s'en vient. C'est déjà fait. Ouais, mais c'est parce que tu as donné une recette, Gabin, celle-là. Ouais. Attends une seconde. Voilà. Tiens, recette pour enlever. C'est parce que l'article a été écrit sur Mac Québec. Ah, c'est Serge. Je ne l'ai pas vu. C'est Serge aujourd'hui. Puis vous avez tous les liens. Donc, en français, une bonne explication de ce que c'est. Et vous avez les liens pour aller vous débarrasser de ça. C'est quelques lignes terminales qui sont même dans l'article que vous tapez pour savoir si vous êtes infecté. Puis après ça, ben, peut-être quelques autres manipulations à faire pour l'enlever. Oui. Fait que c'est ça, c'était la grosse nouvelle d'aujourd'hui. Là. 600 000 Mac infectés. 56 % aux États-Unis sont infectés. 120 000 au Canada. Fait que c'est beaucoup. Là. Moi, je suis en train de rouler présentement Mac Scan et aussi Dr. Web Live. Il est fini? Non, il n'est pas fini encore. OK. J'ai juste trouvé des tracking cookies pour l'instant. Dr. Web, il est gratuit dans le Apple Store. OK. Le Lite, ça peut faire aussi un travail de détection. Okay. Il n'y a pas Clavex? Clavex, là, ouais. Clamex ou Clamex. Clamex, il est aussi sur l'App Store. Fait que vous pouvez aller le chercher là ou sur le site de la compagnie qui est totalement gratuit. Fait que, oui. Je sais pas par contre si ces logiciels-là ont été mis à jour pour pouvoir scanner flashback. Tu peux continuer, je vais aller voir de l'instant. Oui, MaxScan, tu peux mettre son fichier de définition à jour. Même chose pour Dr. Web. Donc, lui, aussi, lui il le dit dans le... Là, si tu fais MaxScan flashback, tu vas voir qu'effectivement, il le fait. Okay. J'ai mis l'adresse de ClamXav. Donc, c'est le nom d'un logiciel antivirus gratuit pour Mac et les deux autres que Bernard a mentionnés. Est-ce que votre... comme on revient du salon de l'Aquaps, puisqu'on a beaucoup de vidéos, on a filmé en 1080p là-bas, et fait que c'est lourd. Est-ce que vous avez assez d'espace pour qu'on puisse sharer ça puis faire le montage de tout ça dans Dropbox? Moi, je suis rendu à... Attends un peu, je vais te dire ça. Je suis rendu à 5,2 gigs de Dropbox. Okay. Parce que Dropbox, en fait, a augmenté sa capacité d'espace, c'est-à-dire comment... Non, ça fonctionne par le parrainage. Oui. Si, mettons, que moi, toi, tu n'as pas Dropbox et moi, je t'envoie une invitation, Dropbox me donnait avant 250 MB de free space, d'espace gratuit. Oui. Et maintenant, à partir de cette semaine, ils ont changé 250 MB pour 500 MB. Jusqu'à une capacité de... C'était pas qu'ils gardaient 250, mais qu'ils mettaient jusqu'à 16 gigs, là. Ouais, c'est ça, là. C'était un total de 32 gigs, 16 gigs, ouais, supplémentaires. 16 gigs supplémentaires pouvaient aller jusqu'à 16 gigs, ça veut dire 500 MB, ça veut dire... C'est 32 personnes. Si vous voulez avoir 16 gigs gratuits, il faut que vous demandiez à 32 personnes d'aller s'inscrire sur Dropbox. OK. Est-ce qu'on sait le maximum, en fait, qu'on peut atteindre avec Dropbox, avec ces nouveaux, ce nouveau contenant-là? Je sais pas. Parce que moi, en ce moment, je pense que je suis à 8 ou 9 quand 8 même. 8 ou 9, là. OK, mais c'est ça. Mais il faut dire aussi que la fonction de uploader des photos fonctionne encore. Parce que moi, à chaque fois que je branche mon téléphone sur mon Mac, il upload toutes mes photos que j'ai prises. Okay. Puis ma capacité n'arrête pas d'augmenter. Fait que ça fonctionne. Plus je mets de photos, plus ma capacité de stockage est décuplée. Pour ceux qui n'auraient pas de compte Dropbox, j'ai mis juste en dessous ici, là, vous voyez mon visage, là, il y a un lien, vous cliquez là-dessus, vous vous inscrivez à Dropbox et puis vous tombez dans le merveilleux monde de Dropbox. Oui, très utile. par la suite. Voilà. Prochaine. Oui, j'avais mis. Ben ça, c'est moi qui l'avais mis, là, parce que j'aime ce jeu-là. Puis c'est aussi, Alexis, je pense que tu l'as. Tu l'as-tu? Je l'ai sur PS3. T'es quand même gamer, hein? Oui, moi, je suis pas un hardcore gamer, mais je suis quand même un gamer. Fait quand j'ai vu ça passer cette semaine, j'ai dit, ah, wow. Mais je pense que je vais l'acheter quand même. C'est Deus Ex Human Revelation qui va sortir à la fin. Attendez. Je vais tousser puis je vais fermer mon micro parce que sinon M. Duchamp va me dire de fermer mon micro. Qui va sortir le 26 avril. On sait que Deus Ex Human Revelation, ça a été fait par Eidos Montréal. Ouais, Eidos Montréal. Fait que maintenant il a été porté sur le Mac, qu'il n'était pas avant. Mais il va coûter 40$, 50$ environ ici, là. Mais c'est comme ça va être ça prend quand même une popée machine à faire rouler, là. C'est comme ça va être assez dur à faire rouler parce que sur la PS3 et la Xbox, les graphiques de ça, c'est wow, c'est top notch, là. C'est comme c'est malade, là. C'est super bon, là. Fait que je voulais dire ça, que c'est quand même une compagnie québécoise, ben pas québécoise, mais du monde québécois qui ont créé ce jeu-là, puis ça a gagné plein de prix l'année passée, là. Fait que c'était pour souligner ce petit bijou de jeu. Excellent. Puis la prochaine nouvelle, est-ce que vous pensez... Hein? Bernard, tu veux-tu nous en parler? Non, moi, je suis pas très gamer pour ce qui est des jeux. Je parlais de la prochaine nouvelle. Oui, c'est pour ça que j'y venais. Pour la prochaine nouvelle... Apple qui peut-elle accéder aux données d'iCloud? Apparemment que j'espère. Ce serait encrypté. J'espère que c'est encrypté comme mais ça l'est ailleurs. Mais ils ont le master key. Ouais, c'est ça. Ils ont le master key. Tu sais, c'est comme, c'est Apple. C'est à eux autres, là. Tu sais, c'est comme les Dropbox de ce monde. Quand vous mettez quelque chose sur Dropbox dans la licence, ça marque que c'est à eux autres. Tiens, je veux dire, c'est marqué dans la licence. Fait que c'est la même chose pour iCloud. Là. T'sais, Apple ont le droit d'aller fouiller dans nos fichiers d'iCloud. Là. Moi, ça me dérange pas. Mais il faudrait pas qu'ils prennent mes informations là-dessus et qu'ils commencent à vendre ça. Là. Fait que, juste une petite seconde. Quoi? Est-ce qu'on est toujours dans le chat? Parce que moi, j'ai eu des indications que la diffusion était finie. Non, c'est marqué. Non, on est toujours là. JF est parti. Parfait. C'est juste que GF est parti puis est revenu. Mais okay. Qui est un petit peu pixelisé. Ah ouais? Ouais, effectivement. Ah, bizarre. Tu viens de te faire. T'es rentré dans le jeu vidéo, là. Ouais. Tu viens de te faire scanner. Ah ouais, c'est bizarre. Moi, j'ai mon image, elle est super belle. Fait que. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, il y avait une polémique. Tu sais, à chaque fois qu'une compagnie qui a accès à nos données, le monde capote. Là. C'est comme ça a été avec Pat puis. Aussi Dropbox, là, mais surtout Pat, là, avec qui transférait notre carnet d'adresses sur leur serveur eux autres. Là. Moi, je rappellerai aux gens le fameux truc gratuit qui est très simple. Prenez l'utilitaire de disque, créez-vous une image disque vierge, encryptée, compressée et encryptée, comme vous voulez. Puis, glissez vos fichiers hyper importants, hyper sensibles là-dedans. Même si vous le mettez à l'extérieur, sur n'importe quoi, au moins vous savez que votre disque image est encrypté. Donc, c'est une autre protection supplémentaire. Ou si vous utilisez aussi Time Machine, pas par la Time Capsule, parce que j'ai pas été capable d'encrypter mon disque dur Time Capsule. Je trouve ça bizarre, mais bon. Mais si vous branchez un disque dur externe pour faire votre backup avec Time Machine, il y a une option pour encrypter votre backup. Mais là, je vous dis que c'est long, mais long extrême, là. Ouais, mais tu peux prendre TrueCrypt aussi. Ouais, tu peux prendre TrueCrypt aussi, ouais, c'est vrai. Fait que ça fonctionne aussi bien. Fait que, mais non, mais c'est le monde, tu sais, des fois, là, il capote, là. Ah, ils ont accès à mes données, c'est pour la vie privée. Parce que c'est la compagnie qui te fournit le service, mais en plus, qui est gratuit. Fait que, puis ont le droit, là, tu sais. En fait, je pense pas qu'il y ait de logiciel que la compagnie qui le fasse n'ait pas un backdoor quelconque pour pouvoir y accéder ou quoi que ce soit. Je suis pas sûr qu'ils sont tenus responsables ou qu'ils sont obligés de les avoir, mais si ton logiciel, pour une raison ou une autre, a occasionné une grosse problématique, puis que les autorités, que ce soit FBI, gouvernement, quoi que ce soit, mm-hmm. viennent te voir puis te disent, écoute, comment tu peux nous aider? On a cette problématique-là. Bon, je pense que... je me prononce pas, en fait, sur la légitimité. Est-ce que c'est correct qu'il y ait ça ou est-ce que leur mission... à la base, devrait être de protéger la vie privée des gens. Donc, tu sais, qu'on devrait être complètement anonyme. Je pense que ça fait quand même assez longtemps qu'on l'a perdu, cette anonymité-là, oui. sur l'Internet. Et nous-mêmes, on l'a rendu. Là. Nous-mêmes, on l'a donné en donnant à peu près la moitié de notre vie à Facebook et à Twitter et à Google. Sociaux, et à Google. Donc... Ouais. Voilà. Ensuite de ça? Qu'est-ce qu'on a? J'avais mis le iTunes, le iTunes Match que le concurrent direct Zik.ca, le nouveau média de Québécois qui ont sorti cette semaine. Mais en tout cas, c'est pas pour ça, c'est pour parler d'iTunes qui gère les fichiers 24 bits. Okay. On avait des problèmes, tout dépendant comment que votre fichier a été légalement, je veux dire. Ben, pour ceux qui vont l'écouter en différé, je fais bien légalement avec mes doigts. Ça dépend comment que votre MP3 a été encodé. S'il a été mal encodé, y avait des problèmes avec iTunes Match pour la retransmission du fichier. Alors, le fichier n'était pas lisible. Fait que Apple a corrigé le bug avec... c'était en 24 bits, 96 kHz, c'est le même qu'on dit ça. Oui. Fait que c'est ça. Mais là, maintenant, c'est quand c'est 192, ça a été... c'est reconnu maintenant par le iTunes Match. Fait que c'est juste une petite nouvelle comme ça qu'on voit que le système se met toujours à jour et... je conseille au monde de l'acheter. Je m'en sers très souvent. Ben, même à tous les jours, je m'en sers. Là. Fait que pour aller à la job, ben, j'ai toute ma musique, mes 10 000 chansons drette dans ma poche. Fait que, ben, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis contre iTunes Match, même si je l'ai payé et que je l'utilise. Mais je suis contre iTunes Match parce que iTunes Match a une limitation au niveau du poids des... des fichiers qu'on peut y mettre. Et si vous activez iTunes Match sur votre iPhone, il est possible que toute votre bibliothèque de podcasts ne soit pas synchronisable. Elle n'est pas là. Effectivement. Donc, moi, quand je vais dans ma section podcast, et je les écoute à partir du iTunes Store maintenant. Je vais dans iTunes, je vais écouter que ce soit les Amis des Mystérieux Étonnants. D'ailleurs, si on me permet une toute petite parenthèse, j'aimerais juste dire que je suis l'invité des Mystérieux Étonnants lundi prochain et on va parler de Sherlock Holmes, la série anglaise avec Benedict Cumberbatch. Bon, ben, tu vas être à Choc FM. Oui, oui. J'espère qu'ils vont vous laisser rentrer. Ben, ils devraient. En fait, tu l'as dit, ils vont peut-être arrêter, mais ouais, moi, je suis un fan de ce show-là. Je suis un fan des je suis bien copain avec Benoît Mercier, mais le lundi soir, ils deviennent les Mystérieux Étonnants. Et je suis vraiment un fan du show. Donc, fort probablement que je vais pas parler. Je vais être dans un coin. Je vais être en train de faire pipi dans mes culottes et être en train de « Ah, c'est les Mystérieux Étonnants! » Fait que non, je suis bien content d'avoir été invité sur le show. Donc, tout ça pour revenir à notre sujet. Je voulais juste dire qu'au niveau podcast, c'est pas très bien soutenu pour l'instant. Là. C'est pas très intéressant au niveau iTunes Match. Les deux ensemble. C'est ça. Ah, puis il faut dire aussi que si, mettons, j'ai trouvé ça aussi cette semaine, parce que avec le système de Apple, le système de fichiers que le AAC 250 bits de chiffrement du MP3, les fichiers deviennent de plus en plus gros. Oui. Fait que si, mettons, votre chanson dure 20 minutes, mettons, là. OK, il y a des concerts qui vont durer 20 minutes. Si le fichier fait plus que 200 MB, il n'est pas reconnu par iTunes Match. Oui, c'est ça. Il ne fonctionnera pas. Fait qu'il ne sera pas dans la bibliothèque. Fait qu'il faut que ça soit en bas de 200 MB. Et si vous l'écoutez en 3G, il ne faut pas qu'il dépasse 20 MB, sinon il ne se transfère pas. C'est pas 50? En tout cas, je pense pas que ça a été réglé parce que ça fait encore 20 MB ici pour iTunes Match. OK. Fait que... mais c'est ça. C'était un peu une petite défaillance. Une petite défaillance du iTunes Match. Est-ce que tu utilises iTunes Match, Bernard? Oui, je l'utilise. Moi, le gros défaut que je trouve à iTunes Match, c'est quand je suis dans le métro, ouais, que je voudrais avoir une tune en particulier ou un artiste que je voudrais écouter sur le moment puis que j'avais oublié les télécharger avant, ben c'est tout bad. Il faut que j'attende que je sois à l'extérieur. Ou un Biri ou Cam ou un McGill. Puis ouais, encore, il faut avoir le temps de télécharger. Fait que, ouais, c'est ça. Qu'on n'aura pas le temps. Ouais. Bon, le prochain segment... Attends une petite seconde. T'as parlé au début, effectivement, il y a eu le lancement. C'est pas très Mac, c'est pas sur le planning du show, mais il y a Zik.ca qui est sorti cette semaine. Il y a une application iOS de ça? Oui. Ah oui? Ouais. C'est la seule que Québécois ont fait pour iOS parce que Québécois ne fait pas de illico télé encore pour nous, les Apple fanboys, et ils font juste ça sur Android. OK. Alors, c'est la seule application que Québécois a créée pour Zik.ca, mais ça coûte... si vous voulez vous abonner pour l'ordinateur tout seul, c'est 10$ par mois, ou l'ordinateur et une tablette ou un téléphone intelligent, c'est 15$ par mois. Mais vous avez 12 millions de chansons dans le... dans leur bibliothèque. Et le principe, c'est quoi? C'est comme RDO ou... comment ça s'appelle, non? Un autre site en streaming, là. Spotify, oui, c'est ça. Je vais c'est l'essayer. Principe, parce qu'on peut l'essayer parce que quand on s'abonne, mettons, à 14,99, on a le premier mois gratuit. Fait que je vais l'essayer, mais je pense pas que je vais rester avec eux autres, là. Est-ce que les musiques sont téléchargeables sur les appareils? Non. Ce n'est que du streaming. Oui. OK, donc Spotify ou même ce que Lala, je pense, avant d'être acheté par Apple, proposait, c'était de pouvoir les télécharger pour l'écoute hors ligne. Donc, Québécois offre absolument pas ça. Est-ce qu'on sait dans le catalogue, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes francophones, d'artistes québécois? Oui, c'est la force de Zik par rapport à d'autres sites de streaming, c'est son offre de musique francophone. C'est un peu normal parce que Québécois a un distributeur, Musicor, donc ils sont dans la business de musique. Ils ont tout intérêt à promouvoir la musique francophone. Je ne sais pas si ça va être aussi peu convivial à utiliser que toutes les solutions de livres électroniques, là, des trucs comme ça. Les gens qui achètent des livres électroniques sur Archambault, là, c'est terrible. Là. C'est un truc à vouloir s'ouvrir les veines. Écoute, là, t'es obligé de... On en avait parlé là, il y a une couple de podcasts, mais t'es obligé d'installer un logiciel. Tu peux pas avoir le livre en même temps sur ton ordinateur. En tout cas, c'est terrible. Là. T'es obligé... c'est Adobe qui gère les droits là-dessus. Les DRM, c'est Adobe qui propose ça. Et on sait qu'Adobe, on les aime beaucoup. Oui, c'est ça. On va aller les rencontrer, mais bon, des fois, ouais, ça pourrait être mieux. T'as-tu joué un peu avec les livres électroniques, Bernard? J'ai joué un petit peu, mais je suis pas un grand fan encore. Je suis pas encore accroché. J'aime les revues électroniques, ça. Je suis un petit peu plus accroché revues. Les livres, tu sais, des fois, j'essayais un livre, par exemple, je sais pas, Final Cut Pro, c'est pas comme un livre. Oui, c'est le même livre, les mêmes pages, mais je sais pas, j'ai pas encore le petit côté livre comme à l'époque avec le papier, tu peux mettre un signe. Je sais qu'on peut tout faire ça électroniquement, mais bon, c'est juste une question d'habitude qui va pouvoir rentrer à un moment donné, là, mais c'est une question d'habitude. Tu peux pas le prêter, tu peux pas le faire signer, tu peux pas. Il y a un paquet d'affaires. Tu peux pas rien faire. Ouais. Tu peux le lire. Ouais. Une fois que tu as fini, ben puis ça. Ça a pas changé ta vie. Ouais, c'est ça, parce que si t'as plus de batterie, tu peux pas. Voilà. On a vu cette semaine aussi les nouveaux Sandy Bridge arrivent bientôt. Ivy Bridge. Ivy Bridge, c'est pas Sandy Bridge, excusez. Bon, est-ce qu'on a une date un petit peu plus? Moi, la dernière date que j'avais vue, c'était 29 avril. Oui, c'est ça. Pour les 15 pouces, c'est 17. Mais en juin, ça serait les 13 pouces. Parce que je sais pas pourquoi ils mettent pas toute la même batch ensemble. Donc, c'est à fin avril, ça serait la rumeur qu'on parle pas souvent ici. Les 15 pouces et les 17 pouces de MacBook Pro auraient la nouvelle puce Intel. Ivy Bridge et c'est ça. Puis en juin, ça va être les MacBook Pro 13 pouces qui auraient aussi la puce Ivy Bridge avec la carte graphique Intel HD 4000. Ça a l'air qu'elle est 55% plus forte que celle que j'ai présentement, la Intel HD 3000. Mais moi, tu sais, je fais pas de montage, je fais pas rien, je joue presque pas à des jeux là-dessus, fait que peut-être juste les cœurs du Ivy Bridge vont me faire saliver un peu, mais je pense pas. Je viens de racheter mon MacBook Pro et je pense pas changer pour demain matin là. Fait que mais je l'aime bien gros, mon MacBook Pro. Nous aussi, la fan est pas mal moins audible. Oui, vous n'entendez plus rien, c'est super la fan. Ben, on n'entend plus la fan, en tout cas. Oui, vous n'entendez plus la fan, mais vous m'entendez moi encore. Voilà. Oui, voilà. prochaine nouvelle, on va la laisser à Bernard, tiens. Ouais. Je suis sûr que tu commences à avoir la bouche sèche. Oui, mais moi, non, je ne parle pas beaucoup parce que ma gorge ne me participe pas ce soir. J'ai un début de grippe. Et elle ne s'en perd pas. Elle n'a exactement. C'est l'action de Apple qui dépasse celle de Google. OK. Mais c'est arrivé aujourd'hui, ça. C'est arrivé aujourd'hui. Oui. Vous pouvez voir l'article sur Mac Génération. Donc, c'est la première fois que Apple dépasse celle de Google. Et là, c'est très peu. Là. On parle de 633 et 68, comparativement à 632 et 32 pour l'autre. Mais on voit qu'aujourd'hui, Google est en perte, est en descente, tandis que celle d'Apple continue de monter. Donc, on s'attend à ce que la progression continue. On en parlait, moi et Vincent, dans l'auto aujourd'hui, et ce qu'on se disait, moi j'ai lu un article cette semaine qui disait que Microsoft a commencé à payer des dividendes à ses actionnaires en 2003-2004, si je ne me trompe pas. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que l'action de la compagnie a commencé à descendre. Le fait de donner de l'argent, de donner des dividendes et de faire des rachats d'actions sur une action normalement, ce que ça a comme effet, c'est de un, rendre les actionnaires heureux et de deux, pouvoir exciter d'autres actionnaires potentiels, donc de faire augmenter la demande sur cette action-là et donc d'en faire augmenter le prix d'acquisition. Donc ça, c'est le comportement normal. Or, l'article, en tout cas les prémices de l'article, c'était Microsoft a commencé à... L'action de Microsoft s'est plantée à partir de 2004 quand ils ont donné des dividendes. Puis à cause de ça, le gars, il disait « Fac, est-ce que c'est le début de la fin pour Apple? Puis est-ce que Apple va scratcher parce qu'ils ont commencé à donner des dividendes? Est-ce que ça veut dire que Tim Cook, blablabla? » Puis moi, j'étais là, puis je lisais l'article. Puis je pense que c'était un article de CNET et je comprends pas comment CNET peut être encore en business. C'est ridicule. C'est l'enfer aller là-dessus, là. C'est, ben, un, c'est l'enfer, mais tout ce qu'ils peuvent dire sur Apple est automatiquement ridicule. Ça n'a juste jamais de bon sens. Si vous lisez une nouvelle et qu'on vous dit que c'est CNET qui l'a proposé, écoutez, c'est même pas. Ça peut pas être considéré comme une source. Là. Je m'en vais sur CNET et je me dis ah, tiens, il va y avoir quelque chose comme The Onion. Mais ce que je voulais dire, c'est Tim Cook, qui est à la barre de Apple, qui est un génie dans son domaine, qui, bon, avant que Steve Jobs disparaisse, il était à la tête, en fait, de quand même une très bonne division chez Apple. Il a fait grossir cette division-là. C'est pas un gros babouin de peddler qui va sur une scène puis qui gueule « développeur, développeur, développeur ». Il n'y a pas de lien de cause à effet entre « Microsoft a donné des actions, des dividendes, puis c'est ça qui les a fait plonger ». C'est juste qu'à partir de 2004, c'est plus Bill Gates qui s'en occupait, c'est le gros babouin à Ballmer, puis c'est ça qui a coulé Microsoft. Fait que ça a comme aucun rapport. En tout cas, on trouvait ça bien drôle. Puis on voit que même si Steve Jobs n'est pas là depuis bientôt... Un an? Non, ça fait quand même... ça fait plus d'un an qu'il n'est plus chez Apple directement. Mais ça fait 6 mois, là, donc 5 octobre pour le décès de Steve. Mais je pense qu'on va voir les analystes. Je checkais ça sur Internet cette semaine. Les analystes prédisent que la bourse de... L'action d'Apple va pogner le 1 000 $ d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, ça serait très gros. Là. D'ici la fin 2012, c'est possible. Peut-être avec ce qu'ils vont annoncer, là, ça se peut. En juin. C'est quoi cette information là? Apple fait face à une demande en recours collectif à Montréal? Oui, t'as pas vu ça? Non. Non. Ah, ben cool. Apple ont reçu une mise en demeure et un recours collectif à la Cour supérieure de Montréal. Vous savez l'annonce de Apple sur Siri? Oui. Qui vante le système Siri dans les iPhone 4S? Oui. Attends, tu veux parler de cette section de la publicité où je crois qu'il y a un bandeau en haut et c'est marqué bêta, si je ne me trompe? Non. Non, c'est pas du tout indiqué. Il me semble que oui, moi. C'est marqué bêta? Ben, en tout cas, au lancement, ça a bien été dit que le produit est en bêta premier temps. Oui. Il me semble que dans l'annonce, du moins, il y a des petits caractères qui l'indiquent. Ah, ben faudrait que je la revoie. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a envoyé une mise en demeure, un recours collectif à Apple Canada. Okay. Pis ça va être entendu le 30 avril. Ça va être, j'ai hâte de voir si ça va passer pour un recours collectif. Parce que si ça passe pour un recours collectif et que la personne du nom de Jonathan Nova a fait la plainte, si vous êtes acquéreur d'un 4S, vous allez pouvoir vous inscrire à ce recours collectif-là. Et si la personne gagne contre Apple, ce qui me surprendrait pas que la personne va gagner, parce qu'on s'entend qu'Apple ont des mises en demeure par-dessus la tête. Là. C'est vrai que Siri est en bêta, mais quand on fait de la pub puis qu'on vous promet quelque chose, qu'on vous dit Siri peut faire ça. Les emplacements, tel endroit, vous allez pouvoir dire localise-moi telle chose sur la carte, ou si tu dis que le truc fait telle ou telle chose et tu le dis dans ta publicité, il faut que le produit que tu achètes le fasse. Mm-hmm. Sinon, ça devient de la fausse publicité. Mm-hmm. Même si tu dis Siri est en bêta, il faut que tu dises, dans la publicité, il faudrait qu'il indique sera disponible, par exemple, en juin ou sera disponible un peu plus tard. Mais si ça ne l'est pas indiqué, ça devient de la fausse représentation. Et je vais répondre à Serge aussi. Oui, il y a un Américain aussi qui a déposé un recours collectif contre Siri, mais là, c'est vraiment un Montréalais qui poursuit Apple. Fait que j'ai hâte de voir si les deux, c'est pas la même juridiction, là, mais j'ai hâte de voir si les deux vont se communiquer le procès, premièrement, si c'est accepté, parce que c'est pas accepté encore. L'audience est le 30 avril, fait qu'à la fin du mois. Est-ce que c'est à huis clos? Est-ce que c'est fermé? Est-ce qu'on peut aller voir ça? J'ai pas vu. C'est sûr qu'ils vont pas. Ils le diront pas, mais tu sais, c'est à la Cour supérieure de Montréal. Fait que si vous checkez, si vous allez à la Cour de Montréal, Hey, je le sais, c'est un événement Apple. On va faire la ligne. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, on va faire la ligne. Si on va passer la nuit là. Ouais. Moi, je vais être en Europe dans ce temps-là. Ah, oh, damn, tu pourras pas. Non, il va falloir se déplacer encore, moi, plutôt. Ouais. Moi, je pense que je vais essayer de. Je vais me renseigner un peu, puis je vais essayer d'aller faire un tour pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça. Et bon, peut-être ça peut être intéressant là, de ramener l'information. Donc, moi, je tu sais, le produit a été présenté comme étant un produit bêta. Il y a. Pour le faire fonctionner, Jonathan Nova, ça semble pas être un nom francophone, peut-être qu'au niveau anglophone. Anglophone, Siri fonctionne mieux, d'abord. Oui. Il capte mieux la voix. C'est un langage qui est plus propice à ça, semble-t-il. Puis quand il développe les algorithmes pour comprendre et tout, ça fonctionne mieux. C'est vrai qu'il n'y a pas Wolfram Alpha, il n'y a pas les localisations, tout ça. On le savait, donc Jonathan Nova, c'est clairement pas quelqu'un qui écoute Mac Québec, sinon il serait au courant. Mais je vais aller voir, je suis curieux. Je sais pas à quel point on peut dire à Apple qu'ils ont été malhonnêtes là-dedans. Est-ce que vraiment à la télévision, les publicités passaient et faisaient l'apologie du service Siri au complet? Est-ce que ce sont les mêmes? Je suis pas certain. Maintenant, moi, j'utilise Siri abondamment. Je l'utilise en langue française. Et oui, comme M. Ducharme vient de le dire, ben il y a un problème d'accent au Québec. De toute façon, promenez-vous au Québec et il y a un problème d'accent mur à mur. Je ne sais pas comment ils vont faire pour que Siri fonctionne, s'ils vont se baser sur... Non, on parle en joual ici, là, on s'entend. Là. Ben, c'est-à-dire... moi, j'aime à penser que non, habituellement. Dans mon langage de tous les jours. C'est vrai qu'il se colore de temps en temps, mais j'essaie d'avoir une bonne prononciation. Puis quand je parle à Siri, je sors mon plus beau français et il comprend habituellement. Il y a des petits pépins des fois, mais ça marche la plupart du temps. Il faut juste le savoir, en fait. Mm. Utilises-tu Siri, Bernard? Faut que tu parles en trou de cul de poule. Je l'utilise rarement. Ouais. En France, ça risque de mieux marcher. Je vais repogner mon accent. L'accent va revenir. Avoue que tu vas là-bas pour mieux utiliser Siri. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Bernard fait le contraire de Jonathan Nova, c'est-à-dire qu'il prend le 2000$ de poursuite judiciaire, s'en va en Europe, reprend l'accent, et là, Siri va beaucoup mieux fonctionner, puis il n'y en aura plus de problème. C'est ce que M. Nova aurait dû faire. Ouais. Mm-hmm. Moi, ce que j'ai hâte d'essayer, c'est... Moi, j'ai acheté mon iPhone directement dans un Apple Store, donc il est débarré. Oui. Et de prendre une micro-SIM d'un fournisseur français. Genre Free Mobile? Non, Free Mobile, il faut que tu aies... J'ai commencé à m'informer et c'est pas tous les fournisseurs dans lesquels tu peux t'abonner. Ça te prend une espèce de prépayé. Free Mobile, il faut vraiment que tu sois un Français résident. Okay. Même chose pour BNU, qui est à peu près une offre équivalente. Et je pense que les deux seuls qui ça marcherait, ce serait Orange, puis... Mauve. non. Non, pas du tout. SFR. SFR, OK. SFR. Ou SRF. Non, SFR. SFR, OK. Mais bon. Mais c'est ça qui est le fun, au moins, acheter un téléphone débarré, c'est qu'il est utilisable... qui est utilisable partout, là. C'est sûr qu'à 600, admettons, c'est pas quelle version que t'as, mais à 650$ de base, plus les taxes, c'est sûr que ça vient vite, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est sûr que si tu voyages beaucoup... Ouais, mais c'est la même chose aux États-Unis. Quand tu vas aux États-Unis, tu vas dans une boutique AT&T, puis tu vas te chercher une micro-SIM, puis tu la mets dedans, puis bingo. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Tu peux acheter des blocs de data, puis... Donc, ça devient intéressant quand tu voyages. On doit terminer rapidement le show cette semaine. La dernière nouvelle, en fait, est-ce que c'est une vraie nouvelle parce que c'est sorti le 1er avril. En fait, l'acheteur Ashton Kutcher serait pressenti pour jouer Steve Jobs dans un film indépendant. Et là, la nouvelle qui a été rajoutée au document par Vincent, ça dit que Ashton aurait eu le feu vert de Steve Wozniak pour le faire. Mais cette nouvelle-là est sortie en premier, le 1er avril. Donc, j'ai comme l'impression, puis c'était présenté avec des photos de Ashton à côté d'un jeune Steve Jobs. Il y aurait quand même de la job pour rendre ce gars-là comme Steve était dans les derniers temps. Mais là, comme M. Ducharme dit, ça a l'air que c'est vrai. Là. C'est pas un film hollywoodien. Là. C'est un film indie. Non, c'est un film indépendant, c'est ça. Indépendant. Ouais. Fait que moi, je verrais pas pourquoi. Parce que ce que le film va proposer, c'est le avant Steve Jobs. Avant Apple? Avant Apple. Du début de ses hippies jusqu'au un petit peu peut-être au début d'Apple dans son garage, là, comme on a vu dans le film Pirate of the Silicon Valley. Très bon film en passant. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est comme Patrick dit, c'est pas Sony, là, c'est pas la version de Sony. Là. Okay. Mais c'est ça, ça va être avant. Ça va être un peu avant. Mais c'est vraiment. C'est ça. J'ai hâte de voir c'est vraiment ce qu'ils vont faire comme. C'est sûr que ça va pogner. Moi, je suis sûr que si vous regardez des photos à l'époque et qu'ils vont présenter Wozniak, ça va être Justin Long qui va faire Steve Wozniak. C'est qui ça? C'est le gars dans les publicités. Vas-y, Bernard. C'est le gars qui faisait les publicités, là, Mac et PC, Monsieur Mac, Monsieur PC. Oui. Mais oui. Celui qui faisait Mac, c'est Justin Long. Ah, OK, oui, fait OK. Tu y rajoutes un petit pinch, tu I'm le rends... Mac, voilà, puis il pourrait très bien faire un Steve Wozniak très crédible. Mm-hmm. Je suis certain, puis ce serait un bon Steve... retour d'ascenseur. Un Steve Jobs, tu veux dire? Non. Moi, je trouve qu'il ferait un bon Wozniak, alors que dans ce film-là, ce serait Ashton Kutcher qui ferait un, okay. qui ferait Steve Jobs. Donc, il prenne un petit peu de poids, par exemple. Quand il était jeune, les photos qu'on avait parce qu'on parle de leur jeune âge là, quand il était à l'école, il était pas aussi rondelet, si je me trompe. Il était un petit peu, mais quand même. Il y avait comme une petite shape de barre. Peut-être une petite prothèse, ça pourrait marcher. Voilà. C'est ce qui met fin au show cette semaine. On va basculer tranquillement vers les amateurs de Mac Bonsoir. Et Vincent, qui est en background et qui joue les producers, qui a mis en fait nos adresses. Il veut finir ça le plus vite possible. Ah ouais. Il a mis nos adresses. Nos adresses Twitter en dessous. Dès que tu as dit on finit, ah ouais, on pousse les adresses. Donc voilà, Bernard, où est-ce qu'on peut te retrouver et où tu ne répondras pas, on doit le mentionner, pour les deux prochains mois, parce que tu vas être en vacances. Ah ben oui, mais en vacances, je me suis arrangé, tous mes hôtels ont du Wi-Fi, je vais avoir une puce, je vais essayer de répondre, mais disons que je vais être pas mal occupé à visiter toutes sortes d'affaires. Mais je suis quand même disponible sur Twitter, @cbernard, et principalement là-dessus. Est-ce que tu t'en vas deux mois en vacances, tu nous reviens, on va pouvoir se voir autour du mois de juin, juillet, ou peut-être que tu vas profiter de tes vacances d'été? Puis tu vas nous revenir au mois de septembre? Ouais, ça, c'est pas encore décidé. On en reparlera quand j'aurai fait une petite tête là-dessus. Excellent. Parfait. Jeff, il va faire un Tumblr. Il va faire un Tumblr de son voyage. Ah, ce serait une bonne idée. Ouais. Demande à Alexis pour trouver un autre Tumblr. Il est bien bon là-dedans. Ben, c'est justement mon projet de demain. Faire un Tumblr? Oui. Ah, c'est bien. Un Tumblr, ça va très bien. C'est une belle plateforme, si tu veux. C'est gratuit, je pense. Hein? Ouais. Oui, tout à fait. Tu peux lui donner le nom que tu veux. C'est long un peu à uploader les photos, là, des fois. Là. C'est comme ça roche un peu de temps en temps, mais ça fonctionne bien. Même l'application iPhone. Oui. Oh. Vincent, il dit « Europe of the chicks ». Faudrait voir, mais... Ouais, c'est ça. Mais bon. si Bernard reprend l'accent français, ça risque d'être un titre français. Oui. Ouais. Où est-ce qu'on mais peut... ça va être resté en anglais, parce qu'en en France, ça parle rien qu'en anglais. C'est et vrai. Tout leur titre, c'est anglais. Ah oui, c'est l'enfer à ce temps. C'est pas le podcast de Mac Québec, ça serait de Mac Québec. Mac Québec. Mac Québec. Moi, on peut me rejoindre sur Twitter à JFroy1979, sur au même nom sur Google+, Facebook, Pat, mon adresse mi.com, c'est tout le temps le même nom, j'utilise tout le temps le même, fait que c'est assez facile. Vous tapez juste ça, puis vous allez me voir dans Google. Pour ma part, ben vous pouvez me trouver sur Draw Something à Alexis Cornelier. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, évidemment, au Alex Cornelier. Et vous pouvez faire comme certaines personnes cette semaine et me contacter via l'adresse service@macquebec.com si vous avez besoin de un petit peu plus d'aide qu'on vous en offre déjà quand même gracieusement dans les amateurs de Mac. Bonsoir. Donc, je vous dis bon deux semaines et... Attendez. On va plugger aussi une autre chose avant de finir bien vite. Il y a Kim Auclair qui participe à un concours d'entrepreneuriat du Québec. On va mettre le site... Alexis, peux-tu aller le chercher vite ou je sais pas trop quoi? On va dans le chat pendant que je vais aussi... on avait oublié notre quatrième mousquetaire qui n'a pas été avec nous ce soir, mais qui a été avec nous pour la production, mais c'est en voix qui n'a pas été là. Donc, vous pouvez rejoindre aussi notre ami Vincent Miller au A commercial Dev Miller sur Twitter et sur son site web vmiller.ca pour le développement d'applications. Et pendant que je disais ça, je m'imaginais que Kim allait nous donner le lien pour voter pour elle. Je l'ai fait. Voilà. Ah, excellent. Fait que c'est le lien pour aller voter pour Kim, entrepreneuriat du Québec. Votez avec votre ordinateur à la maison, votez avec votre ordinateur à job, votez avec votre iPhone, votre iPod Touch, iPod classique. iPhone, là, votre adresse IP change à chaque fois que vous branchez sur Wi-Fi, vous revenez à 3G, vous revenez... Fait que vous pouvez faire plusieurs votes en même temps, fait que allez le faire comme ça. Fait que moi, je vais sûrement commencer bientôt à le faire, là. Mais on va demander aussi à Vincent de nous faire un script Grease Monkey pour Firefox qui va changer notre adresse IP puis voter pour elle. Le but est d'avoir 15 millions de votes. Ouais. Un milliard de dollars. Patrick Gros va aller filmer de quoi dans la ville natale de Kim. Son un aréna. Faire avec voter un le monde. Paquet de bon dans l'arrière. Là. Ah, Kim! Malade. Et l'album de musique de Kim avec des chansons écrites par Stéphane Laporte-Star dans tous les bons disquaires sous la bannière québécoise et ainsi que l'application zik.ca dans les prochaines semaines. OK, on a assez dit, là. Ouais, je pense que oui. Puis s'il y a vraiment, elle a plein de qualités, Kim. Mais je pense que s'il y a un album qui sort, je vais aller à un endroit où il n'y a pas de 3G. je parle juste au niveau de son talent en chanson. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, bonne semaine, messieurs. Et puis, on se revoit dans. On essaye de faire ça en 4 minutes. Pause pipi, on remplit les verres, tout ça. Et on se retrouve pour les amateurs de Mac. Bonsoir.